En 1195 à Cordoue, le calife Al-Mansour est hors de lui. Alors que l'ennemi frappe aux portes de l'Andalousie, le philosophe Averroès démissionne. Son tort ? Ses travaux et ses livres sont connus au-delà du royaume. Certains exemplaires ont même été trouvés chez l'ennemi, ce que ne lui pardonne pas le calife qui ne tardera pas à le bannir, à brûler ses œuvres et à interdire son enseignement. حرقين دمنا بمشاكل هيفا والعدو على الابواب ملعدو كمان في الداخل وسنين وسنين قاعد ينخر في سلطتك زي السوس وانت ديجا مي اون غارد افيروس لو بروميير سي تو تافيز انكور دو برونونسي سو نون devant moi ne serait-ce qu'une fois je t'envoie aux galères mais je t'en prie tu es le calife tu as toujours raison tu pètes et le royaume s'incline c'est Averroès qui s'est ingénié à diviser le royaume c'est un hasard s'il démissionne au moment même où l'ennemi nous attaque S'il envoie Nasser, mon fils, en voyage alors que c'est ici et maintenant que j'ai besoin de lui, et si l'on trouve les œuvres d'Averroès chez l'ennemi, c'est un hasard ? Ces livres sont-ils des secrets d'État ? La pensée appartient à l'humanité. C'est d'une simple idée qu'est partie notre nation. Ces pensées résisteront à l'usure du temps, alors que toi et moi et tous les autres, on nous aura oubliés depuis longtemps. Je gagnerai aussi cette bataille. C'est lui et sa pensée qui seront à jamais effacés. Les pensées ont des ailes. Personne ne peut arrêter leur envol. Moi, je peux ! Je vais faire brûler toutes ses œuvres. Et lui, je vais le condamner à l'exil. Alors tu anéantiras la culture almohade et tu détruiras l'Andalousie. L'Andalousie, c'est moi ! Moi ! Pas lui ! Et oui, c'est sur la musique d'Eltaoui, la bande originale du film Le Destin de Youssef Chahine, que je suis heureuse de vous souhaiter une bonne année à toutes et à tous. Bonjour Ali Ben Makhlouf. Bonjour Adèle Fendrette. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis Casablanca au Maroc, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, oui. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris-Est Créteil, membre senior de l'Institut universitaire de France, et vous avez publié, entre autres ouvrages d'ailleurs sur Averroès, en 2015, un livre intitulé « Pourquoi lire les philosophes arabes ?». C'est une question qui peut paraître pertinente ce matin, puisque c'est cette première émission de toute une série sur Averroès, mais pourquoi la question se pose ? Est-ce que quelqu'un a dit qu'il ne fallait pas lire les philosophes arabes ? Eh bien, le passage que vous venez de faire passer, indiquant le bannissement d'Averroès en 1195, est d'une part éloquent, même s'il a été rétabli dans ses fonctions 3 ans après par ce calife Al-Mansour, mais aussi en 1277, le décret de l'évêque Tempier condamnant les thèses averroïstes, et donc on ne pouvait lire Averroès que sous le coup de la censure. C'est véritablement une condamnation avec censure, parce que très vite, comme d'ailleurs le dit le passage du film qu'on vient d'entendre, très tôt ces œuvres ont été traduites, et donc dans le XIIIe siècle, en Occident chrétien, on dirait, ces œuvres étaient déjà disponibles, et donc en 1277, presque 100 ans après sa mort, puisqu'il est mort en 1198, presque 100 ans après, ces œuvres étaient non seulement connues, mais déjà commentées. Sigère de Brabant et d'autres aristotéliciens ont constitué l'école de l'aristotélisme arabe. Dans les universités comme celle de Paris et d'Oxford, par exemple. Et donc, effectivement, pourquoi le lire ? Parce que, précisément, il bouge les lignes. Et au sein de cette Andalousie almohade, de l'empire almohade du XIIe siècle, et bien sûr au sein des universités naissantes comme celle de Paris et d'Oxford, et cette façon de bouger les lignes, comme vous le savez, est une forme subversive qui interroge. Et je dirais, j'ai situé les choses au XIIe et au XIIIe siècle, mais on peut aussi les reprendre au XIXe et au XXe siècle, puisque quelque quelqu'un comme Renan va dire que, eh bien, Averroès n'a pas apporté grand-chose. Oui, Ernest Renan est très critique à l'égard de l'héritage d'Averroès. Il l'accuse même de faire des contresens sur le texte d'Aristote. Voilà, alors il a fait une petite mea culpa après en disant « j'ai sous-évalué cette figure », mais il a eu des mots très très durs dans son Averroès et l'Averroïsme. Et d'ailleurs, c'est le début de la réelle occultation de la philosophie arabe dans les universités européennes. Et c'est uniquement maintenant, je dirais maintenant, c'est-à-dire depuis les années 50-60, sous l'impulsion de grands professeurs au Collège de France, Étienne Gilson, Alain de Libera, mais aussi plusieurs traductions, l'école des hautes études, l'école pratique des hautes études, etc., où Averroès est de nouveau largement enseigné et surtout traduit et commenté. Mais il y a eu, si vous voulez, le bannissement, la censure, l'occultation. Voilà. Donc, quand alors, j'avais écrit pourquoi lire les philosophes arabes, c'était pour réhabiliter la philosophie arabe en général, mais aussi, bien évidemment, cette figure d'Averroès qui a tant à nous dire. Et j'essaierai de placer quelques éléments, si vous voulez, conceptuels de l'intérêt de cette philosophie. Bien sûr, bah c'est le avec vous. Le sens de notre discussion ce matin, peut-être un mot pour commencer justement avant de donner quelques informations biographiques. C'est à Averroès que nous devons, nous autres aujourd'hui européens du 21e siècle, l'étude des textes de philosophie antique grecque et notamment Aristote. Averroès est le relais entre l'Antiquité grecque et notre philosophie contemporaine. Oui, on peut le dire ainsi, puisque ces œuvres traduites au XIIIe siècle en Europe sont traduites en même temps que l'Aristote directement du grec. C'est ça, il y a une concomitance entre l'aristotélisme arabe et les traductions du texte grec d'Aristote par Guillaume de Morbecque. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez inédit dans la transmission du savoir, de disposer des traductions en du grec en même temps que la découverte des commentaires arabes. Et effectivement, pour lui, Aristote, auquel il a consacré tant de commentaires, était un homme de nature divine. Il le dit clairement dans la préface à sa Physique, au commentaire de la Physique, où il dit « Cet homme a été la règle de la nature et comme un modèle où elle a cherché à exprimer le type de la dernière perfection. » Voilà. Cette supériorité, Dieu l'accorde à qui il veut. C'est une phrase coranique qu'il cite à propos d'Averroès. Cette supériorité, Dieu l'accorde à qui il veut. Et donc Aristote, c'est cette supériorité faite humaine, divin au sens de excellent, de la perfection, oui. Alors, peut-être pour présenter Averroès, il faut rappeler qu'il naît à Cordoue en 1126 dans une famille de juges. Et ce point est très important parce que sa pratique de la philosophie ne peut pas se comprendre sans d'un côté la familiarité avec le métier de juge et de l'autre le métier de médecin que lui-même exercera aussi. Ah oui, tout à fait. Pour ses contemporains, c'est d'abord le juge et le médecin avant d'être le commentateur. Mmh. Ça, c'est un élément très, très, très important. Son grand-père est un très grand juge qui a laissé une œuvre magistrale. Et déjà, chez son grand-père, on voit que la charia, la loi inspirée des textes scripturaires, est d'abord une volonté de savoir. C'est-à-dire que la volonté de savoir, chez le grand-père déjà, était hissée au stade principe de législation. Le savoir, c'est un principe de législation et c'est d'ailleurs ainsi qu'on va justifier la pratique de la philosophie chez le petit-fils, chez donc Averroès, duquel nous nous occupons aujourd'hui, Ibn Rushd. C'est que véritablement la pratique du savoir sacré, du savoir profane, c'est-à-dire le commentaire des philosophes grecs et la pratique du commentaire des récits scripturaires, est véritablement un principe normatif et que la charia, c'est-à-dire cette loi inspirée des textes scripturaires, est là pour justifier la recherche du savoir profane. C'est quelque chose d'extraordinaire dans cette Cordoue du XIIe siècle d'asseoir la base de la philosophie à partir de celle de la justice. Et j'en veux pour preuve aussi, dans son discours décisif, il dit que le vrai ne contredit pas le vrai, ceci pour dire que le savoir profane et le savoir sacré sont tout à fait conciliables. Le vrai ne contredit pas le vrai et témoigne pour lui, c'est-à-dire qu'il met la vérité au tribunal. En général, au tribunal, on dit quelque chose qui est vrai, on atteste qu'on va dire la vérité, toute la vérité, mais lui, c'est la vérité elle-même qui est mise au tribunal, et donc finalement le paradigme du tribunal du juge qu'il était, il était juge à Cordoue et juge suprême à Grenade, le paradigme de la justice est là pour précisément asseoir le paradigme philosophique. D'abord juge, médecin aussi, il était médecin du calife, médecin, commentateur des lettres de Galien sur l'hygiène, ses contemporains le voient comme juge et médecin, et c'est à partir de cette double pratique que la philosophie va se trouver justifiée, comme je le disais, par un paradigme de justice, même de justice inspirée des textes scripturaires, et par un paradigme médical. Si on le replace dans son contexte, la philosophie est totalement contextualisée, bornée par ces deux paradigmes de la justice et de la médecine. Mais à quoi ressemble la pratique de la philosophie dans ces années-là et à cet endroit-là ? C'est-à-dire au XIIe siècle, à Cordoue, comment vivent les philosophes ? Et est-ce que le philosophe est forcément considéré comme un mécréant ? Ah, pas du tout mécréant, mais problématique certainement, comme d'ailleurs dans toutes les sociétés, dirais-je, et on le sait depuis Socrate. Il est vrai que la figure d'Averroès n'est pas issue de rien. Je l'ai situé par rapport à son grand-père, juge de Cordoue, mais on peut le situer aussi par rapport aux philosophes qui sont immédiatement antérieurs et quasi contemporains. Il y a la grande figure d'Avimpas du début du XIIe siècle. Il est mort en 1153 et en 1138, excusez-moi, à l'âge de 53 ans, en 1138. Et puis la figure d'Ibn Tufayl qui le présente au calife pour précisément lever les obscurités du texte d'Aristote. Alors c'est quelque chose de très très beau, raconté par un doxographe, Al-Murakushi, qui dit que effectivement c'est Ibn Tufayl, voyant arriver le grand âge, qui lui dit « je n'ai plus du tout l'énergie de commenter les textes d'Aristote, mais je te présente au calife qui veut lever les obscurités du texte d'Aristote. » Alors c'est très intéressant cette expression « lever les obscurités du texte d'Aristote » parce qu'en réalité, Averroès va s'atteler à cette tâche qui est une tâche technique. C'est-à-dire que la philosophie répond à l'obscurité par la technicité. Et c'est un enjeu très très très important. On ne va pas se gargariser de mots, on ne va pas faire du mystère ou de la prophétologie. On va véritablement répondre techniquement pour lever les obscurités. Les obscurités pourquoi ? Parce que Aristote a eu une transmission pour le moins troublée. Il y a la Bagdad du 9e-10e siècle. Il y a eu les grandes figures d'Al-Farabi, d'Avicenne et d'Al-Razali, et tout cela a bien sûr adapté, acclimaté Aristote. Et puis finalement, dans la Cordoue du XIIe siècle, on ne sait plus ce qu'est Aristote. Surtout, le trouble a été jeté sur l'aristotélisme arabe par la figure d'Al-Razali au XIe siècle. Et Al-Razali, c'est un peu le Pascal de ce monde-là, c'est-à-dire que c'est celui qui, comme Pascal disant de Descartes inutile et incertain, avait dit Al-Farabi, Avicenne inutile et incertain. Pourquoi ? Parce qu'il voulait apporter une touche autre que l'aristotélisme. Et le problème d'Al-Razali, c'est que selon les publics public. Il a été reçu diversement. Certains ont dit il s'est attaqué à la philosophie tout entière, et d'autres, desquels je suis, disent simplement qu'il s'est attaqué à l'aristotélisme dominant pour une vision plus empiriste, plus sceptique, dirions-nous aujourd'hui, dans la grande tradition de Sextus Empiricus. Al-Razali, c'est un grand empiriste qui refuse catégoriquement la métaphysique, mais qui prend la logique aristotélicienne, etc. Alors, pour vous resituer tout cela, à Cordoue, on ne savait plus finalement si Aristote valait la peine d'être étudié ou pas. Ouais. Est-ce sa métaphysique, est-ce sa logique? Et Averroès va essayer de rétablir dans une vision globale, non pas tellement la fidélité à Aristote, mais une vision globale, c'est-à-dire une connaissance globale d'Aristote, pour précisément montrer que il est bon aussi bien de l'étudier quant à sa logique, que quant à sa métaphysique, que quant à sa physique, etc. Il n'y a qu'une petite exception, c'est quand même la médecine, où là, il va falloir tourner le dos à Aristote, qui ne fut pas médecin, et d'aller du côté de Galien, et c'est le seul point de côté, si vous voulez, à la à l'aristotélisme arabe, que Averroès avait la charge très difficile de restaurer, parce que cet aristotélisme avait été ébranlé par Al-Razali. راجل كسول وجاهل حفظوه ايتين داير يتاجر بيهم يتجرأ ويفسر كلام ربنا ويدعي ان هو ده الدين. La connaissance des textes exige des années d'efforts, d'études approfondies et bien sûr de recherche et de réflexion personnelle aussi. Alors comment peut-on suivre ceux qui prétendent avoir reçu le savoir et qui méprisent ce verset du Coran? Au nom d'Allah le miséricordieux, tel homme ignorant se procure des discours futiles pour égarer les autres hors du chemin de Dieu et prendre celui-ci en dérision. Ceux-là subiront un châtiment ignominieux. Vraie est la parole du Tout-Puissant. Car nul n'a le droit de prétendre détenir la vérité ici-bas. Et même le calife Al-Mansour, il est sujet à l'erreur? Le grand imam Malek disait en désignant le tombeau du prophète les mots suivants. Toute personne peut être interrogée ici-bas, excepté celui qui gît ici. Tenez encore, l'imam El-Shafei disait qu'une opinion, si vraie soit-elle, peut paraître erronée, alors qu'une opinion d'apparence erronée peut être vraie. Mais le Coran est pourtant clair. Vous cherchez à nous faire douter de la révélation. Tu sais sûrement ce que disait le prophète. Appliquez-vous. Si vous vous appliquez que vous atteignez la vérité, vous aurez deux parts. Si vous tombez dans l'erreur, vous aurez une part. Toute recherche mérite récompense. Dis, Seigneur, augmente ma science. Quelle science? D'abord la foi. Dans la période de l'enfance et de l'adolescence, il n'y a personne qui doute des enseignements révélés. Plus tard, lorsque celui qui devient philosophe passe à des connaissances qui lui sont propres, il faut absolument, dans l'intérêt de sa vertu, qu'il ne dédaigne point les enseignements dans lesquels il a été éduqué, mais qu'il les interprète de la meilleure manière. Qu'il sache aussi que s'il exprime ouvertement quelque doute que ce soit ayant trait à l'un des principes fondamentaux de la loi révélée dans laquelle il a été éduqué, ou quelque interprétation de l'un d'eux, il s'oppose aux prophètes et se dresse en travers de leur route, ce pourquoi il méritera plus que n'importe qui d'être qualifié d'infidèle. Il lui incombe aussi de choisir la meilleure religion de son temps, même si selon lui toutes sont vraies, et d'être persuadé que la meilleure à une époque donnée est abrogeable par une meilleure qu'elle. C'est pourquoi les sages qui enseignaient à Alexandrie, lorsque leur fut parvenue la révélation de l'islam, se firent musulmans. Et les sages qui se trouvaient au pays des Roms, lorsque leur fut parvenue la révélation de Jésus, paix sur lui, se firent chrétiens. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous commençons l'année avec un portrait du philosophe Averroès, ce matin en compagnie du philosophe Ali Ben Makhlouf. Vous avez entendu un extrait du film Le Destin de Youssef Chahine et puis un extrait d'un texte d'Averroès lu par Denis Podalydès. Le texte s'appelle L'incohérence de l'incohérence. En fait, il s'agit d'un livre écrit par Al-Razali, dont vous avez parlé, Ali Ben Makhlouf, L'incohérence de philosophe, et Averroès va proposer un commentaire de ce texte-là. Ça s'appelle donc L'incohérence de l'incohérence. Et alors, ce qu'on peut dire, à la fois à partir de l'extrait et du texte lui-même, c'est qu'au fond, la question qui se pose est celle de savoir comment étudier des textes philosophiques tout en les rendant compatibles avec l'étude du Coran. Eh bien, une des esquisses de réponse, c'est de montrer que le Coran lui-même peut faire l'objet d'interprétations. Ce terme est très important, oui. Ali Ben Makhlouf. Ah oui, tout à fait. Alors, les passages, aussi bien de l'extrait qui a été lu et le passage du film sont très très riches en informations. Je commence par votre question sur celle de l'interprétation. Averroès envisage trois possibilités dans cette relation du texte scripturaire à la philosophie, c'est-à-dire la parole des anciens, comme il dit, Platon, Aristote, Galien, on les appelle les anciens, ça c'est très très important parce que ça situe les choses dans le temps long de la transmission, pour d'ailleurs une transmission récente et troublée, comme je vous le disais, dans la Cordoue du XIIe siècle. Alors, précisément, dans cette relation du texte scripturaire à la philosophie, trois situations sont envisagées par Averroès. Soit rien n'est dit dans le texte scripturaire à propos de choses existantes autour de nous, et donc tout est ouvert pour les sciences démonstratives qui vont pouvoir aller à la découverte du monde. Si rien n'est dit dans le texte scripturaire, eh bien tout est ouvert. C'est le Coran, le texte scripturaire? Oui, c'est cela, et les accompagnés des hadiths, c'est-à-dire des paroles du prophète. Si rien de ces textes scripturaires n'est dit à propos d'une chose existante, tout est ouvert pour les sciences démonstratives. Si quelque chose est dit de cet accord, si quelque chose est dit des choses existantes et qu'il y a un accord avec ce que les démonstrations, les sciences profanes, le savoir profane issu de Platon et d'Aristote a pu dire, s'il y a un accord, eh bien c'est parfait, là encore il n'y a rien à dire. Il y a un troisième cas. C'est celui que vous avez signalé, celui où il y a une place pour l'interprétation, c'est quand il y a une divergence. Et là encore, Averroès utilise un terme juridique, le khilaf, mukhalafa, c'est la science des controverses juridiques. Et la science des controverses juridiques, bien évidemment, est une science très développée dans ce milieu-là, depuis l'avènement de l'islam, ça faisait déjà 5 siècles, 7e siècle, 12e siècle, et cette science des controverses juridiques, a donné lieu à plusieurs écoles juridiques, il y en a même 4, et Averroès et tout le Maghreb et l'Andalousie se rapportent à une de ces écoles-là, dite l'école malikite. Donc il y a les controverses juridiques, et il dit, s'il y a entre le texte scripturaire et la philosophie une divergence, il y a une place pour l'interprétation. Bon, il faudrait peut-être rectifier la traduction du discours décisif où il est dit s'il y a une contradiction. Mais le mot mukhalafa n'est pas le mot de contradiction, c'est le mot de divergence, et ça se rapporte au khilaf, qui est la science des controverses juridiques. Ce qu'on entend très très bien dans le dialogue imaginé par Youssef Chahine, dont vous avez passé le morceau, c'est-à-dire justement les gens s'adressent à Averroès en lui disant, mais tu nous mets dans des controverses, il n'y a pas de controverse dans le texte scripturaire. La question, c'est pas la controverse du texte scripturaire, c'est quand il y a une place à une controverse dès lors que le texte dit une chose et que la découverte du monde autour de soi, des choses existantes, parle autrement. Il dit qu'il y a une place pour l'interprétation. Là encore, ce mot est fourvoyant parce qu'il va employer l'expression d'interprétation valide selon, je le cite, les voies de la démonstration. Et les interprétations valides selon les voies de la démonstration sont, eh bien, par définition, peu partagées, parce qu'il faut avoir pleinement accès à la validité de la connaissance. Et la validité de la connaissance n'est malheureusement pas communément partagé. Avoir accès au syllogisme aristotélicien, ça ne court pas les rues. Donc, les interprétations valides, dès lors qu'elles ne sont pas généralisées, ce qui tient lieu, c'est souvent des pseudo-interprétations, celles de théologiens qui visent un peu, dit Averroès, cette pratique dialectique aux frontières de la sophistique, c'est-à-dire la polémique, et dans ce cas-là, effectivement, on a là exactement le passage virulent, véhément même, de imaginé par le cinéaste Youssef Donc, Chahine. Si je résume, la position d'Averroès est la suivante, le texte philosophique d'ailleurs, comme le texte religieux, peut faire l'objet de commentaires, voire d'interprétations, mais seules certaines interprétations peuvent être légitimes, celles qui produisent une connaissance valide. En clair, mieux vaut avoir une bonne connaissance d'Aristote pour bien interpréter la charia, c'est ça ? Exactement, parce que les anciens se sont exercés dans un savoir qui a fait ses preuves, non pas parce qu'il vient des anciens, là c'est une méprise, mais parce qu'il a été éprouvé durant des siècles. Oui, c'est pas un argument d'autorité. Non, c'est l'idée du temps long, les anciens. Le temps long, et surtout, si ça a résisté pendant des siècles, il y a quand même 1500 années qui séparent Aristote d'Averroès. Si ça a résisté pendant des siècles, et que ça a été fatigué par les commentaires d'Alexandre d'Aphrodise, de Thémistius, d'Alpharabie, d'Avicenne, et que ça parvient à l'Andalousie, c'est qu'il y a quelque chose à retenir, et surtout, dit-il, moi seul, ou même un individu seul, ne peut pas accéder seul au savoir, il faut se placer dans la chaîne de transmission, et surtout écluser le savoir pour voir ce qui résiste à la réfutation, c'est un peu popérien, et ce qui ne résiste pas. Et dit-il, ce qui ne résiste pas, ben on va le laisser tomber. Je ne suis pas là pour vous dire, apprenez Aristote par cœur, je suis là à vous dire qu'il y a des choses qui ont résisté, qui résistent encore, et ça c'est un bénéfice, permettez-moi l'expression, un bénéfice pour l'humanité tout entière. Donc mais ça c'est un élément majeur, oui. Mais c'est très subversif que de dire qu'il faut être doté de connaissances philosophiques et si possible aristotéliciennes, et si possible même syllogistique, pour pouvoir interpréter légitimement le Coran. Non, parce que effectivement, on peut le voir ainsi, mais on peut aussi dire que toutes les personnes qui n'ont pas accès aux 49 ans, 7 fois 7 de connaissances, ouais. selon le précepte d'Aristote et de Platon, les sept vies successives pour arriver à ces interprétations valides, mais il y a pour le commun des hommes, et d'ailleurs pour aussi ces savants-là, tout à fait ce que disent les écoles juridique. Pourquoi les écoles juridiques ont des principes qui régissent une société? C'est parce que, précisément, tout le monde a besoin d'un minimum duquel il va se contenter sans aller à la démonstration. Et la notion de contentement et de persuasion rhétorique était très, très importante pour Averroès. Ouais. Et il y a quelques personnes qui peuvent transcender les principes d'une école juridique. On les appelle plus des faqirs. Et le faqir, c'est celui comme Averroès qui peut accéder directement au texte sacré pour pouvoir l'interpréter lui-même comme quelqu'un qui renouvelle une lecture. Mais peu sont à même de renouveler une lecture. La plupart se contentent des principes de leur école, de leur obédience. Voilà. Donc ça, c'est un enjeu très important. C'est que, effectivement, il y a à la fois une très grande exigence, mais il ne s'agit pas de dire que cette exigence doit s'imposer à tous. Au contraire, oui. La plupart des gens restent pris dans le commun du droit tel qu'il est établi pour eux, dans une école adaptée et adoptée par les gérants de l'époque, les sultans de l'époque. Oui, ça c'est passionnant de voir comment Averroès se sert du texte aristotélicien et en particulier de la dimension logique de ce texte-là, ce qu'on appelle l'organon, qui énonce les conditions auxquelles une connaissance vraie peut avoir lieu. Et il essaie de montrer comment cet organon peut être utile pour essayer d'atteindre la vérité, indépendamment des voies mises en œuvre par les théologiens auxquels il s'oppose et qui, selon lui, sont trop du côté de la sophistique, d'une rhétorique dévoyée qui est là pour plaire aux masses, mais indépendamment de la vérité. Il y a quelque chose de très contemporain ici dans le fait de brandir la logique contre la sophistique et ce qu'on pourrait appeler la démagogie. Ah oui, tout à fait, la logique. D'ailleurs, il appelait Aristote l'ami de la logique, littéralement un philologue, si vous voulez, l'ami de la logique, Sahib al-Mantiq. Donc, le Aristote a été véritablement entendu par Averroès comme un logicien qui, par sa méthodologie, doit pouvoir, et on y reviendra si on parle de la médecine, doit pouvoir également éclairer les textes de Galien par la méthode issue de l'Organon. Et cette méthode issue de l'Organon, c'est une méthode extraordinaire, parce qu'elle est Averroès est en dette à l'égard d'Avimpas, que j'ai rapidement cité tout à l'heure, à l'égard d'Al-Farabi surtout, qui avait complètement donné à la logique une base fondationnelle en philosophie. Je dis fondationnelle, je ne dis pas une simple méthode, je ne dis pas une simple partie de la philosophie, je dis fondationnelle parce qu'ils en ont fait, et c'est quelque chose qui sonne de manière très contemporaine, ils en ont fait une science de la référence. Ouais. La logique permet de savoir comment on utilise les termes et à quoi les termes se réfèrent. Se réfèrent-ils à du pseudo? Se réfèrent-ils à du réel? Se réfèrent-ils? Et donc, la logique comme science de la référence va servir, comme vous le dites tout à fait, au combat contre les théologiens. Alors, je mets pas tous les théologiens dans le même sac. Il y a deux types de théologie, en quelque sorte. Et là encore, c'est la dialectique aristotélicienne qui va aider. Il y a les théologiens qui font de la dialectique comme un exercice mental pour accéder au premier principe. Là, il n'y a rien à dire. C'est la bonne dialectique aristotélicienne, comme celle qu'on a dans le livre Gamma de la métaphysique, c'est-à-dire qui établit le principe de contradiction, etc. Vous savez que le principe de contradiction chez Aristote est établi dialectiquement. Quand on va parler, on ne va pas se contredire. Ça, c'est quand même un principe dialectique. Et donc, les théologiens qui utilisent la dialectique comme un exercice pour pondérer les propositions et leurs opposés jusqu'à voir celles qui résistent aux objections, à la réfutation. Ça, c'est extraordinaire. C'est toute la théorie de l'opposition des propositions pour leur pondération en vue d'adopter celles qui résistent le plus à la réfutation. Ça, c'est véritablement la science dialectique. Quand vous avez une proposition, vous gardez l'idée que l'opposé de cette proposition est possible. Et cette possibilité, eh bien, vous la mettez à l'épreuve jusqu'à voir si elle va s'évanouir ou si elle va supplanter la première proposition que vous aviez adoptée. Et donc là, les théologiens qui se mettent dans ce circuit-là, il n'y a rien à dire. Et puis il y a les théologiens qui ne savent pas que la dialectique a des principes du débat que je viens d'indiquer selon les propositions opposées, et qui, malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, agissent aux frontières de la polémique et dégradent la dialectique en sophistique. Donc là, effectivement, ce type de théologien, ce sont ceux qui, par exemple, disent « Dieu a créé le monde de rien ». Et Averroès dit « Mais de rien, excusez-moi, j'ai jamais vu dans les textes scripturaires que Dieu était à côté du néant. Il n'y a pas le mot néant, il n'y a pas le mot rien dans le texte. D'où inventez-vous que le monde a été créé de rien ?» Ça, c'est purement une fantasmagorie de théologiens. Et sur cette base, d'ailleurs, il va leur dire que prétendre que ceux qui disent, comme lui, que le monde est éternel, à la suite d'Aristote, sont des mécréants, ne comprennent ni Aristote, ni ce qu'est véritablement l'infidélité. Et là aussi, c'est exactement ce que vous dites, la logique au secours de la sérénité du débat. Il dit, quand on dit le monde est créé, le monde est incréé, arrêtons de penser que ce sont des propositions qui ont une opposition extrême. L'opposition extrême des propositions, Aristote l'a dit, c'est entre des propositions contradictoires. Contradictoires. Or là, nous n'avons pas des propositions si éloignées puisqu'elles partagent le même sujet, le monde. Et ce même sujet, le monde est éternel, le monde est créé. Eh bien, le monde, il partage avec l'éternel le fait qu'il n'est pas produit. Donc, Il y a un partage entre le monde et l'éternel de ce point de vue-là, et il partage avec les êtres soumis à la corruption et à la génération, il partage avec eux le fait d'être causé. Et donc le monde est à la fois causé et le non-produit, et à chaque fois il y a une similarité avec les êtres de génération et de corruption en tant qu'ils sont causés, et une similarité avec l'éternel en tant qu'il n'est pas produit, et cette double similarité fait que il n'y a pas de proposition si éloignée l'une de l'autre quand on dit le monde est créé, le monde est incréé. Oui. Et vous avez d'ailleurs une très belle vision dialectique de cette situation avant Kant, avant les paradoxes de la raison, parce que déjà chez Averroès et chez Ibn Tufayl avant lui, on stipule ces propositions, le monde créé et le monde est incréé, comme des propositions dialectiques pour lesquelles on peut indéfiniment trouver le pour et le contre. Et ça, c'est extraordinaire. C'est avant Kant, établi dans cette philosophie dite médiévale. Mais moi, je récuse le mot de médiéval, parce que Moyen-Âge, ça veut dire quoi, Moyen-Âge? Un âge moyen entre quoi et quoi? On est dans l'âge classique, là, dans la Cordoue du XIIe siècle. Mais en tout cas, ce qui est fou, c'est de voir que la logique telle qu'elle est, elle est décrite et mise en œuvre à la suite d'Aristote par Averroès va innerver la réflexion philosophique jusqu'au XXe et au XXIe siècle. C'est ce qu'on trouve chez Frege, c'est ce qu'on trouve chez Carnap. Ce sont vraiment, vous disiez, la dimension fondationnelle de la logique, c'est exactement ça. Oui, tout à fait. Et quand j'avais écrit ce livre « Pourquoi lire les philosophes arabes ?», j'avais beaucoup insisté sur les affinités entre la philosophie dite médiévale, je mets les guillemets, et la philosophie contemporaine. Je ne suis pas le seul à le dire. Anthony Kenny a fait des liens entre Wittgenstein et saint Thomas. Guiche a fait des liens entre Frege et les commentaires aristotéliciens. Alain de Libera lisait Occam et lisait Heidegger et Foucault, Claudine Tiercelin lit Duns Scott et Peirce. Je veux dire, moi quand je lis Averroès et Frege, je me revendique de cette lignée des philosophes contemporains qui travaillent sur tout ce qui met entre parenthèses le paradigme cartésien, c'est-à-dire la philosophie pré-cartésienne et la philosophie post-cartésienne. Ce sont des philosophies qui ont promu la logique, et c'est cette logique comme science de la référence que moi je lis dans tous les commentaires d'Aristote. Et je me suis attelé d'ailleurs à cette tâche avec le regretté Stéphane Dibler, de traduire l'Organon d'Averroès. On avait traduit ensemble le commentaire moyen sur le De interpretatione d'Averroès, et puis là je suis en train de mettre le point final sur le commentaire sur les catégories. Oui. My father, for reasons of his own, mon père, pour ses propres raisons, a décidé de changer de nom, quelque chose de plus court, peut-être plus moderne, et il a choisi le nom de Rushdie en raison de son admiration pour le philosophe Ibn Rushd, Averroès. Je ne le savais pas dans mon enfance. Peut-être que je l'ai découvert quand j'étais déjà à l'université. À un point, mon père m'a raconté l'histoire. Et donc, ça m'a intéressé d'en savoir plus sur Ibn Rushd, Averroès. Et j'ai lu certains de ses commentaires sur Aristote et son livre avec le titre merveilleux, L'incohérence de l'incohérence. Et j'ai compris que c'est un philosophe très attirant. C'est quelqu'un qui était vraiment très très en avance dans l'Espagne de son siècle. Et beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, lorsque il y a eu ces problèmes autour des versets sataniques, je me souviens que Averroès aussi avait été persécuté, exilé, ses livres avaient été brûlés, etc. Notre calife a décidé de leur interdire d'enseigner dans les mosquées, de brûler leurs œuvres en place publique et de les bannir de l'Andalousie. Leur nom, Averroès, Abou Abbas Ibn Omar Ibn. À qui qui d'autre pouvais-je confier l'œuvre d'Averroès si ce n'est à l'éminent philosophe Al-Razi ? Le maître Averroès et moi, nous nous sommes souvent affrontés sur le plan des idées. En de telles circonstances, cependant, mon devoir est de tout faire afin que son œuvre soit sauvée. Vous savez, mon père l'admire aussi. Mais les temps sont si difficiles. Mais c'est bien ton père qui a promulgué la fatwa, non ? Il a condamné Averroès à l'exil et il va faire brûler ses livres. Nous l'avons appris hier. Le cheikh Riyad a réussi. Dépêche-toi. Rentre dès que possible à Cordoue. Averroès va voir ses livres jetés au feu, sans même savoir que tu as pu en sauver. Le pauvre risque d'en mourir. D'en mourir. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons d'Averroès ce matin en compagnie du philosophe Ali Ben Makhlouf. Saviez-vous, Ali Ben Makhlouf, que l'écrivain Salman Rushdie portait le nom de Rushdie en hommage à Averroès ? Eh ben non, je le découvre. C'est incroyable, son passage est d'ailleurs très émouvant, puisqu'il dit que lui-même l'a découvert sur le tard de cet hommage de son père. C'était une... C'est incroyable. Et c'est terrible, cette supposée infidélité d'Averroès qui a traversé les siècles. C'était déjà le cas, je vous le disais en début d'émission, avec l'évêque Tempier, qui avait dit « Averroès, c'est la double vérité ». Mais jamais Averroès n'a promulgué une quelconque double vérité, vérité de la foi, vérité de l'intellect, jamais, puisque il n'arrêtait pas de dire que la vérité est une, la vérité ne se contredit pas et témoigne, chaque vérité témoigne pour une autre. J'avais dit que c'était le passage très important du paradigme du droit pour parler de la vérité. Il n'y a pas de double vérité, il y a une même vérité, mais il y a des accès multiples. C'est ça. À cette vérité. Il y a un accès par la religion, il y a un accès par le savoir profane démonstratif, et ces accès convergent vers une même vérité. Et finalement, pour décrisper le débat autour de la supposée double vérité, décrisper le débat autour du vrai religieux et du vrai scientifique, on peut faire une dénomination différente. On va parler de vérité religieuse, parce que le mot vrai est un des 99 noms de Dieu, Al-Haq, et on peut parler de validité pour les sciences. Le vrai et le valide. Et le vrai et le valide concordent, mais ce n'est pas la même méthode. On n'arrive pas à la science par la religion, et on n'arrive pas à la religion par la science. Ça, c'est véritablement deux méthodes différentes. Il y a une parole inspirée, il y a une parole argumentée. La parole inspirée issue du texte scripturaire, une parole argumentée qui va dans le pour, le contre, et les degrés de probabilité des arguments, qui est la parole scientifique. Et d'ailleurs, moi, je le dis très souvent aux gens qui me disent « tout est dans le Coran », etc. Je dis « mais ça serait dramatique pour le Coran, puisqu'on n'arrête pas de changer de science, et on ne va pas changer de Coran à chaque fois qu'il y a une divergence scientifique. Donc, la science est faillible, et précisément pour préserver le texte scripturaire, il ne faut pas y mettre la faillibilité scientifique, il ne faut pas y mettre la thèse scientifique. Et l'un des grands héritages d'Averroès dans la modernité scientifique de Copernic, Galilée, Kepler, et c'est précisément de dissocier la vérité religieuse de la validité scientifique. Mais alors pourquoi une telle persécution, Ali Ben Makhlouf ? Du côté d'Averroès, on l'a entendu dans l'extrait, mais aussi, par exemple, je pense à la fatwa dont a fait l'objet Salman Rushdie. Dans les deux cas, il y a bien quelque chose qui est inaudible dans ce qui est dit. Oui, mais bon, Salman Rushdie n'a pas fait quand même un commentaire d'Averroès. Il a fait une fiction sur les versets sataniques. Ouais. C'est pas tout à fait du même ordre. Mais ce qu'il y a, si je puis dire, de commun, c'est que prétendre pour Averroès, c'était une prétention qu'il justifie légitime par tout son degré de savoir, de justice, de droit, d'aristotélisme et de médecine, d'avoir accès, comme je le disais, directement au texte sacré. Bon, dans le cas de Salman Rushdie, permettez-moi de signaler le changement incroyable qu'a eu le mot de fatwa. Le mot de fatwa, c'est un mot noble, mais aujourd'hui on ne peut plus le prononcer. Ça veut dire avis consultatif. Et Ibn Farhoun, un des grands doxographes du XIVe siècle, disait Averroès est connu pour ses fatwas en médecine et ses fatwas en droit islamique. La fatwa n'a aucun pouvoir de décisionnel ou décisionnaire en termes de droit. Rien. Ah oui. C'est un avis que le juge va consulter un moufti, on appelle ça un moufti, il va le consulter sur des cas perplexes qu'il ne peut pas trancher lui-même. Et le moufti, il a la science des controverses juridiques dont j'ai parlé tout à l'heure, et cette science lui permet de débrouiller le cas embrouillé que le juge doit décider très vite, comme quand précisément on fait passer quelque chose au Conseil d'État et voilà. C'est-à-dire que véritablement, c'est un avis consultatif, il fait toi. Et on peut l'avoir un avis consultatif en médecine, comme moi j'ai pu en rendre tant au Comité consultatif national d'éthique et actuellement à l'Académie de pharmacie. Et fatwa, c'est un mot noble. Il a été complètement massacré par cette histoire de Khomeini sur Salman Rushdie. Oui. Et le mot a malheureusement complètement perdu sa noblesse d'avis que de scientifiques, de gens versés dans une science profonde, pour pouvoir éclairer la décision publique. Mais c'est comme le mot de charia, l'ensemble des règles morales de l'islam qui figurent dans les textes sacrés. On en fait aujourd'hui un mot qui désigne un ensemble immuable de règles, alors qu'en fait c'est l'objet d'interprétation, n'est-ce pas ? C'est catastrophique cette idée que la charia n'a pas bougé depuis le texte sacré. C'est absolument effroyable. Et à chaque fois, permettez-moi de le dire sur vos antennes, je trouve qu'il y a une concomitance épouvantable entre certains médias français notamment et les plus fondamentalistes qui disent la charia n'a jamais changé. Mais la charia, c'est une voie et c'est pas une loi. C'est une inspiration issue des textes sacrés comme dans la Torah qui après ne cesse d'être modifiée. C'est certainement pas un code établi. Et d'ailleurs, mon collègue de l'université de Columbia, Wa'il Hallaq, qui a écrit 5 ouvrages sur la charia, montre qu'elle est tombée en désuétude et est devenue obsolète à partir de 1830 à la colonisation française en Algérie, parce que on a dit bon, cette charia c'est des vieilleries. Et à partir de la colonisation, on a dit, mais la charia, c'est des gens qui radotent depuis le 7e siècle. Or, il y a des controverses, je parlais tout à l'heure des controverses juridiques, les controverses juridiques depuis la naissance des 4 écoles juridiques au 9e siècle, les controverses juridiques sont extraordinaires. Je vous cite un petit exemple commenté longuement par Averroès, celui des ablutions. Comment faire ces ablutions? Est-ce que quand vous faites vos ablutions, le fait de vous laver le visage, les mains, les pieds avant de faire votre prière, est-ce que vous vous lavez avec l'intention de faire la prière ou est-ce que vous vous lavez en disant « Oh ben c'est quand même le coup, après tout je suis un petit peu sale et je vais quand même faire mes ablutions ». Il dit « Attention, si l'intention c'est en même temps de se rendre propre, votre prière ne vaut pas ». Donc, si vous voulez, il y a véritablement tout un travail sur l'intentionnalité qui est aussi très, très moderne. Je pense au texte de Elisabeth Anscombe sur l'intention, etc. Et le premier des hadiths du prophète, c'est « les actions sont selon les intentions et à chacun selon son intention ». Donc, la notion d'intention dans les textes de la charia est extraordinairement riche conceptuellement. Et je suis à chaque fois, je vous assure, mais complètement attristé, contrit de voir qu'on dit « Ah ben les règles depuis le 7e siècle de la charia, merci m'avoir permis de redire ce point » et Averroès en avait fait comme Spinoza, la charia c'est d'abord la voie pour la connaissance. Le principe de législation qui légitime l'idée d'aller chercher la connaissance. Il nous reste 2 minutes à Ben Maclouf et je voudrais qu'on en profite pour dire quelques mots sur l'importance du métier de médecin. On a beaucoup parlé du métier de juge qui exerçait aussi Averroès, mais médecin également, et j'en profite pour dire que depuis le 2 décembre, vous êtes devenu membre titulaire de l'Académie nationale de pharmacie. Toutes mes félicitations. Et je sais que vous étiez membre aussi du Comité consultatif national d'éthique. C'est donc un point qui vous est cher. Ah oui, la médecine, effectivement, c'était des médecins logiciens. Averroès, en 2 mots, si je pouvais dire quelque chose, c'est d'abord un commentateur de Galien, un commentateur aussi du poème didactique d'Avicenne qui condense le canon d'Avicenne et qui me permet de dire que la poésie était véritablement intégrée à l'organon et c'était, comme d'ailleurs dans la tradition homérique grecque, le moyen de mémoriser les choses. Et les gens apprenaient par cœur alors plusieurs vers, et donc le poème didactique d'Avicenne, Al-Urjuza, qui condense le canon d'Avicenne, a été commenté par Averroès, qui fut bien sûr médecin auprès de du calife, et en un mot, la médecine pour Avicenne comme pour Averroès, là ils sont très proches, c'est avant tout comment, par la prévention, conserver la santé. Et pour eux, le manuel le plus important en médecine, c'est un manuel nutritionniste que avait fait d'ailleurs l'ami d'Averroès, Avenzoar. D'abord, se préoccuper de ce que nous mangeons. Eh bien, merci beaucoup, Ali Ben Makhlouf, pour avoir commencé. C'est moi qui vous remercie. Inaugurer cette série sur Averroès. D'ailleurs, on se quitte avec une recommandation musicale de votre part. Qu'est-ce que c'est, cette musique andalouse? Ah, c'est magnifique, c'est la musique andalouse a traversé les siècles depuis cette période que j'appelle moi la période classique et non pas médiévale. C'est Raï, c'est avec émotion que je vais l'entendre parce que cet orchestre était un orchestre très très célèbre au Maroc et j'ai connu cette personne dans des fêtes où les gens le faisaient appel à lui, et c'est cette musique andalouse qui a traversé les siècles qui mériterait à elle seule véritablement une belle une émission à part entière. Permettez-moi, comme un dernier mot avant d'entendre cela, de remercier, je sais que vous le faites toujours vous, mais permettez-moi moi aussi de remercier vos collaboratrices, Manon de la Salle et Anaïs Isbert, parce qu'elles m'ont beaucoup aidé dans cette connexion avec vous aujourd'hui. Oui, et je sais que c'est compliqué que chaque toujours. Jour pour chaque invité, donc je vous remercie mais pour votre générosité. Ah non, mais véritablement, c'était une musique simplement de travailler avec elle. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. On vous remercie tous, Ali Ben Makhlouf. Je rappelle le titre de votre livre « Pourquoi lire les philosophes arabes » aux éditions Albin Michel. Le vocabulaire d'Averroès est disponible aux éditions Ellipse, Averroès aux éditions Les Belles Lettres. Et puis, vous avez écrit de nombreux ouvrages dont je recommande chaleureusement la lecture. On les met tous en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et maintenant, musique. Al-Istilal, c'est la fameuse musique andalouse dont vous parlait Ali Ben Makhlouf à l'instant sur France Culture, les chemins de la philosophie avec le chef d'orchestre Aïch Abdelkrim Raïs. Il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je vous demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien Bélanger. Bonjour Adèle et excellente année. Eh bien, tous mes voeux pour cette nouvelle année à vous également. Et on commence avec une question haute en couleur, je dirais. La voici. Walter Benjamin s'est-il réincarné en Wonder Woman? Oui, j'adore commencer l'année par une question idiote. En fait, tout est parti du texto d'un ami critique de cinéma. Tu as vu Wonder Woman 1984, c'est nullissime, mais c'est capable de te plaire. Pour le moins de t'intéresser, j'entends déjà la chronique « Wonder Woman nous aide-t-elle à comprendre Adorno ?» Défié, j'ai donc regardé le film et je vais répondre ce matin à sa commande. Adorno peut-être pas, mais Walter Benjamin, le maître de celui-ci, presque sans aucun doute. Alors, qu'est-ce que c'est que Wonder Woman 1984? C'est la réponse du sombre DC avec ses héros torturés et encapés d'avant-guerre au rigolo Marvel. Le film se situe d'ailleurs dans cette sorte d'avant-garde fantasmée du pop qui résume parfaitement maintenant pour nous l'idée qu'on se fait des années 80. Mieux, le film commence dans un centre commercial, on se croirait soudain dans la course aux jouets avec Schwarzenegger. Ou bien, peut-être, dans le livre des passages, justement, le chef-d'œuvre inachevé de Benjamin sur les ruines parisiennes du capitalisme. Quoi de plus décadent, en effet, de significatif, de tragique et d'émouvant qu'un centre commercial de 1984 reconstitué aujourd'hui comme une jungle de plastique dans toute son innocence fluo. On sait aujourd'hui que ce monde était condamné, mais qui le savait en 1984, quelques années à peine avant que tout un peuple enfermé dans un cauchemar orwellien ait déferlué une nuit de l'automne 1989 dans les centres commerciaux de Berlin-Ouest. Et c'est là qu'intervient mon second thème benjaminien. Et donc à travers l'image du Berlin de son enfance comme de celle d'un paradis perdu. Exactement. Bon, problème, c'est que le film se passe à Washington et pas à Berlin. Mais son seul sujet, d'abord à travers son centre commercial idéalisé, puis à travers son intrigue générale, c'est bien le thème benjaminien du messianisme. Et le film arrive à cet exploit bizarre de réussir à mettre en scène un véritable messianisme de droite. Comme si, l'espace d'un instant, le rêve capitaliste des passages parisiens était enfin exaucé, et tout tourne justement autour de l'idée de vœux exaucé quand le méchant, génialissime, un télévangéliste du capitalisme qui ressemble plus au jeune Trump que le jeune Trump lui-même, absorbe le pouvoir d'une pierre susceptible d'exaucer le moindre vœu. On pourrait craindre alors une énième variation sur le mythe de Dorian Gray ou de Midas, mais le film se révèle sur ce point beaucoup plus fascinant, car notre méchant ne se contente pas de vouloir des choses pour lui, il veut, en véritable capitaliste, en Ponzi rétuériblant soudain tous les étages de sa pyramide, que toute l'humanité voit elle aussi ses vœux exaucés. En cela, le film bascule vraiment à partir du moment où le méchant accède à une connexion satellite mondiale dans le messianisme sous sa version la plus génialement 68arde, la plus libérale, libertaire, tout est possible. Ensemble, une femme obtient la déportation des Irlandais d'Amérique, une serveuse devient instantanément célèbre, un émir fait sécession de l'Égypte, le président des États-Unis, comme un obscur djihadiste afghan, obtiennent ex nihilo des missiles nucléaires. Enfin, ce messianisme ressemble plutôt à une apocalypse, non ? Ben c'est justement toute la force philosophique du film, son objection adressée à Hegel et à tous les philosophes de l'histoire. Comment les moments du temps peuvent-ils à la fois être leur propre fin et demeurer les éléments d'une dialectique plus grande ? Et surtout, que deviennent Wonder Woman et Walter Benjamin ? Ben, ils fusionnent, car cette combinaison d'une ancienne déesse que Gal Gadot Wonder Woman gardait dans son placard avec ses belles ailes dorées, elle ose enfin l'endosser après avoir héroïquement renoncé à son vœu d'un amour éternel. Et la fin du film est littéralement consacrée à l'envol de cette figure éminemment benjaminienne de l'ange de l'histoire. Un ange chassé du paradis par le souffle de la catastrophe et qui ne peut qu'en vain survoler les ruines auxquelles il fait face. L'ange du messianisme, toujours déçu, mais à jamais inarrêtable. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à toute ma chère équipe, toujours confinée, chacun chez soi, mais qui continue chaque jour de m'aider à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle en compagnie de Clara de Giovanni, Jules Barbier, Baptiste Botella, à qui je souhaite la bienvenenue, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, c'est Laurence Malonda qui est réalise pour vous cette semaine sur Averroès. À la prise de son aujourd'hui, c'était Ludovic Auger, à la lecture des textes de Denis Podalides. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour d'Averroès. Demain, on sera en compagnie de Souleymane Bachir Diagne et on se demande comment être rationnel et croyant à la suite d'Averroès, bien sûr. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez aussi la télécharger, la podcaster grâce à l'application Radio France, notamment, qui vous permet d'écouter les émissions en direct ou en téléchargement à l'heure de votre choix. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.